J'avais du chlore dans la vessie, à force de squatter la piscine. Recalé à la visite, inapte, t'as dit le toubib. Avec Juice dans le VR6 1998, je voulais tout niquer, marquer l'histoire comme Zinedine. Je voulais des thunes, bien sûr, de la dope et des putes. J'ai vu ces meufs se la péter, j'ai vu des vertes et des pas mûres. Je commençais à en avoir marre, j'ai stoppé les études. J'ai enfilé les 3-4 pour jouer les lascars dans la rue. Un mot de trop, ça part un coup, pareil, je pars au quart de tour. Habitué des sales embrouilles, j'ai rarement passé mon tour. Un vécu qui sent la poudre, de bonnes histoires de grosso mort. Nique sa mère sur le mur, une dernière pensée pour nos morts. L'ogre collé sur le bitume, cool quand je ride. Le son est lourd, je donne ça easy pour tous les lascars. Business et bitches, ouais, je m'égare. Des histoires du vécu, c'est pas juste du rap. L'ogre collé sur le bitume, cool quand je ride. Le son est lourd, je donne ça easy pour tous les lascars. Chaud dans l'appart, monte les watts, le beat on West Coast, frangin, mais ça vient du Southside. J'enfile ma paire de Nike et mon suite capuche. Vais chercher mon cas juste en bas de la rue. Audi Camp, BM noir, 2002, équipe au top. Heineken, bord de mer, des bifs tombent plein les poches. Y'a des chattes au premier, de la dope à l'étage. Garde la vie, à souffrir et distribue les cartes. Si t'as t'es trop bien roulé, allez, viens, on s'échappe. Déjà un enclos est là, je pleure mon dernier Pascal. Parle pas sur le portable, je baisse pas sans podcast. Tu fais du biz avec moi, parle pas. Je devais passer à autre chose, j'ai dû prendre le large. J'ai pris de l'âge avec le recul, j'ai tourné la page. Le regard collé sur le bitume, cool quand je ride. Le son est lourd, je donne ça easy pour tous les lascars. Business et bitches, ouais, je m'égare. Des histoires du vécu, c'est pas juste du rap. Le regard collé sur le bitume, cool quand je ride. Le son est lourd, je donne ça easy pour tous les lascars. Chaud dans l'appart, monte les watts, le beat on West Coast, frangin, mais ça vient du Southside.